Vous êtes écouté Réunion Première, les 10h, le journal France Info. Et 8h, le journal, c'est Mathilde Munoz. Bonjour Mathilde. Bonjour. L'enquête sur la voiture aux bonbonnes de gaz s'est accélérée. Trois femmes ont été arrêtées hier soir dans l'Essonne, dont celle que la police recherchait depuis le début. La DGSI est convaincue d'avoir déjoué un attentat. Une nuit vertigineuse et glaciale pour 33 personnes coincées dans des télécabines dans le massif du Mont-Blanc. Les opérations de secours ont repris ce matin. Un témoignage important pour l'affaire Big Malion diffusée hier soir sur France 2. Important et inédit dans cette campagne sur le financement de la campagne de 2012 de Nicolas Sarkozy. Gaël Monfils rêve d'une finale à l'US Open de tennis. Lui, le chouchou du public new-yorkais. Mais il lui faut d'abord battre Novak Djokovic ce soir. France Info. Et donc d'abord Mathilde, cette opération antiterroriste menée hier soir dans l'Essonne. Une opération en lien avec l'enquête sur cette voiture suspecte retrouvée le week-end dernier en plein cœur de Paris. Un véhicule dans lequel il y avait des bonbonnes de gaz et des bidons de gasoil. Bonjour Sophie Parmentier. Bonjour. Trois femmes ont été interpellées à Boussy-Saint-Antoine hier soir. Boussy-Saint-Antoine, c'est à une trentaine de kilomètres de la capitale. Oui, ces trois jeunes femmes radicalisées, fanatisées, selon les propos du ministre de l'Intérieur peu après leur interpellation. Ces trois jeunes femmes de 19, 23 et 39 ans ont été arrêtées alors qu'elles sortaient de l'appartement qui leur servait de planque, une planque que les policiers de la DGSI avaient réussi à localiser dans la journée d'hier. Les policiers avaient établi une surveillance avec une voiture banalisée, une surveillance qui a été repérée par les jeunes femmes juste au moment de l'interpellation. La plus jeune, âgée de 19 ans, prénommée Inès, a planté son couteau dans l'épaule d'un policier. Riposte par balle, la balle a traversé la cuisse et la cheville de la jeune fille. Une jeune fille qui était activement recherchée en effet depuis la découverte de la 607 aux bonbonnes de gaz. Inès est la fille du propriétaire de la voiture et son père avait signalé dimanche sa disparition inquiétante, connaissant son degré de radicalisation. Selon nos informations, Inès a peut-être elle-même garé la 607 près de la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est en tout cas un soupçon des enquêteurs de la DGSI. La DGSI qui connaissait Inès depuis l'année dernière pour des velléités de départ en Syrie. La jeune femme n'a jamais franchi la frontière syrienne, mais elle a cherché à passer à l'acte en France. Vous le disiez Mathilde, les enquêteurs ont la conviction d'avoir déjoué un nouvel attentat hier car ils ont intercepté des conversations des jeunes femmes qui parlaient d'action kamikaze. L'inquiétude des enquêteurs était telle qu'il y a eu à un moment une alerte attentat imminent autour des gares du RERD sur la route de Paris et les policiers de la DGSI ont réussi à interpeller à temps les trois jeunes femmes qui vont continuer à être entendues en garde à vue. Deux autres couples restent en garde à vue ce matin dans cette enquête. Sophie Parmentier du service police-justice de France Info. Le détenu qui a blessé deux gardiens de prison dimanche dans la maison d'arrêt d'Ony dans le Val-d'Oise a été mis en examen hier soir. Une décision prise par un juge antiterroriste. Le magistrat a en revanche levé la garde à vue et les trois autres prisonniers qui étaient interrogés. 33 personnes ont passé la nuit suspendues dans le vide à plus de 3500 mètres d'altitude. Ouais, 33 personnes coincées dans des télécabines dans le massif du Mont-Blanc près de l'Aiguille du Midi. Il y a eu un accident très rare en montagne. Les câbles de ces télécabines se sont emmêlés. Les secours ont pu récupérer hier 77 autres personnes. Les secours qui ont repris ce matin, Richard Vivian, vous nous le confirmez. Oui, les opérations de secours ont repris ce matin vers 7h, mais la bonne nouvelle, elle n'est pas encore confirmée officiellement, c'est que la compagnie du Mont-Blanc, l'exploitant donc de l'équipement, aurait, il y a quelques minutes, réussi à décoincer les câbles de la télécabine qui s'étaient emmêlés et qui avaient donc provoqué l'arrêt de cet équipement. Eh bien, ces câbles seraient donc maintenant démêlés. La télécabine avancerait actuellement tout doucement pour s'assurer qu'il n'y a aucun problème, aucun risque pour les 33 personnes encore bloquées à l'intérieur des cabines. Et ces 33 personnes donc pourraient donc être rapatriées sur la terre ferme, eh bien sans avoir à être élitreillées. Ça, c'est une bonne nouvelle pour elles qui viennent de passer pratiquement plus de 15 heures bloquées à plus de 3600 mètres d'altitude, donc des conditions difficiles hein, dans une cabine relativement exiguë et avec des températures qui ne dépassaient pas les 2 degrés. À Chamonix, Richard Vivion, France Bleu Pays de Savoie pour France Info. C'est le jour du grand écrémage chez les Républicains. Ils étaient 13 à vouloir participer à la primaire pour la présidentielle. Ils seront moitié moins ce soir. Les candidatures doivent être déposées avant 18h. Ça passe de justesse pour Nathalie Kosciusko-Morizet. Elle a annoncé hier soir qu'elle avait réussi à obtenir les parrainages nécessaires. On en saura plus aujourd'hui sur les futures baisses d'impôts. Le gouvernement va donner le détail des réductions promises aux ménages pour l'an prochain. Il y aura aussi des mesures pour les entreprises. La suite, Mathilde Munoz. Et c'est un témoignage clé dans l'affaire Big Malian. Et après moult réflexions intenses à France 2, ce témoignage a finalement été diffusé hier soir dans le JT de la chaîne. Un témoignage inédit de Franck Attal, directeur de la filiale événementielle de la société Big Malian. C'est lui qui a organisé en 2012 les meetings du président sortant, Nicolas Sarkozy. Bonjour Aurélien Carr. Bonjour Mathilde. Alors maintenant qu'il a été entendu par les juges dans cette affaire de fausse facture, entendu d'ailleurs comme les 13 autres mises en examen, dont Nicolas Sarkozy, Franck Attal a choisi de livrer sa vérité et elle semble aller à l'encontre de la défense de Nicolas Sarkozy. Oui, l'ancien président qui a toujours répété qu'il n'était pas au courant de cette affaire de fausse facture. Il affirme avoir découvert l'existence de cette société Big Malian après la campagne de 2012. Nicolas Sarkozy dit également qu'il ne connaissait pas vraiment non plus Franck Attal, version contredite hier soir par l'intéressé. On s'est croisé 45 fois sur les meetings. Il m'a suivi 45 fois pas à pas pour retrouver son pupitre. Il m'a appelé une trentaine de fois pour s'assurer que celui qui appuyait sur le bouton était physiquement là et pouvoir se détendre. Mais en 2016, bah, il ne connaît pas. Alors, l'extrait de l'interview diffusée hier soir sur France 2, Franck Attal qui raconte aussi et surtout qu'on lui a bien demandé de déplacer la facturation, c'est-à-dire de transférer une partie du coût des meetings du candidat Sarkozy dans les dépenses de l'UMP, le tout pour éviter le dépassement qui paraît alors inévitable de ses comptes de campagne. Alors qui dit vrai ? Silence radio du côté de l'entourage de l'ancien chef de l'État. Franck Attal propose de son côté à Nicolas Sarkozy de venir s'expliquer face à lui, devant les caméras et pourquoi pas dans le prochain envoyé spécial de France 2. Il sera finalement bien diffusé le 29 septembre prochain puisqu'Élise Lucet, la responsable de l'émission, et Michel Field, le directeur de l'info de France Télévisions, sont finalement tombés d'accord pour diffuser ce témoignage explosif, témoignage qui sera donc diffusé avant le vote pour les primaires de la droite. Aurélien Accard. La Corée du Nord confirme avoir mené un essai nucléaire ce matin, le cinquième de son histoire, le plus puissant de tous, d'après la Corée du Sud, qui indique que ce tir a même déclenché un tremblement de terre, un séisme d'une magnitude de 5,3 détecté tout près du site où Pyongyang réalise généralement ses tests nucléaires. Gaël Monfils défile patron ce soir à l'US Open de tennis. Le Français affronte Novak Djokovic, numéro 1 mondial et tenant du titre, pour une place en finale. Jusqu'à présent, Monfils n'a jamais réussi à le battre, mais il pourra compter sur le soutien du public. Les Américains l'adorent, Jérôme Val. Il y a un signe qui ne trompe pas au pays de la pub hors de prix pendant les événements sportifs. Durant cette US Open, on a vu des spots avec Gaël Monfils vantant une marque de vêtements de sport. Preuve que le Français est une figure marketing qui compte ici. D'ailleurs, les fans sont nombreux à assister à ses entraînements, comme Franck, un habitué des allées de Flushing Meadows. I would say very exciting. Je dirais que c'est un joueur excitant. Quand on le regarde, il se passe toujours quelque chose. On adore. We like winners, for sure. Le Frenchie est populaire par son jeu et son attitude, un vrai showman même s'il lui s'en défend. Adam croisé près du cours central. J'aime beaucoup, il est acrobatique, il y a beaucoup de personnalité, il semble vraiment s'amuser quand il joue. Il semble devenir d'un autre temps où les joueurs avaient plus d'émotions quand ils jouaient. Et voilà pourquoi on l'aime ici. Mon fils tranche avec un tennis trop polissé, explique Ben Rothenberg, journaliste au New York Times. With him, tennis is a little more adventurous. Son tennis est audacieux, ce n'est pas un jeu fermé comme avec Milos Raonic qui, aux yeux de beaucoup ici, pratique un tennis ennuyeux. Il fait des points de fou et s'il gagne ce tournoi, il sera un champion incroyablement populaire. Et Gaël Monfils le rend bien aux Américains, lui qui adore la grosse pomme et la NBA. La Monf, son surnom, peut encore vivre de belles heures ici. New York, Jérôme Val, France Info. Et le match débutera à 21h. Cette nuit, c'est la reine du tennis qui est tombée de son trône. Serena Williams n'est plus numéro 1 mondial. Ça faisait 3 ans et demi qu'elle dominait ce sport. L'Américaine perd sa place à cause de sa défaite en demi-finale face à la Tchèque Pliskova. Et la nouvelle numéro 1 mondiale est l'Allemande Angélique Kerber. Mathilde Munoz sur France Info. 8h09, Sophie Briat, du soleil sur la majeure partie du pays. Et bonjour à tous, vous écoutez Réunion Première, il est 10h09. Avec un soleil qui continue de briller en ce vendredi, les cercles volcans, les plaines et le bord de mer qui bénéficient de belles périodes ensoleillées. Dans l'après-midi, les nuages seront dans les hauts et dans les cirques et un peu plus tard dans le nord-ouest vers le port et la possession. Les plus hauts sommets seront toujours au soleil avec les températures affichées pour aujourd'hui. 17 degrés au volcan, 27 sur Saint-Paul et 21 degrés dans le cercle de Sillaos. Pour 4 900 000 euros, aujourd'hui pour le prix Adelinda, voici les pronostics de Pascal Maillot, le 13, le 16, le 3, le 11, 7, 5, 9, 14, le 8 et puis le 8 en non partant. 13, 16, 3, 11, 7, 5, 9, 14 et 8 en non partant. La course, c'est une nocturne, hein, donc c'est pour ce soir à 22h35. Hier, dans le quintet, il fallait trouver le 14, le 6, l'As, le 9, le 13, 14, 6, As, 9, 13 et puis le numéro plus, le 27, 83. Que je vous présente l'équipe des experts ce matin. Mathias au standard, Gérard Constantin à la réalisation technique, Chloé qui nous assiste donc pour les réseaux sociaux. Chloé, bonjour, merci d'être là. Et puis notre notaire, notre expert ce matin, c'est Maître Jérôme Sidney. Alors vous allez nous dire au 02 62 99 2000 si vous avez déjà consulté un notaire, quel est le rôle précis de cet homme de loi, si vous avez besoin de conseils juridiques, si vous devez prochainement faire l'acquisition d'un terrain, un projet familial, un mariage, une construction, un divorce, on peut aussi en parler, un partage à faire entre les enfants de la famille, qu'est-ce qu'on appelle un garder l'usufruit, pour consulter le notaire, combien ça coûte, quels sont vos droits, vos devoirs et surtout comment les faire valoir. 02 62 99 2000 pour toutes les questions. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000, vos SMS au 06 92 70 2000. Et puis la question importante, c'est peut-on tout confier au notaire ? Quel est le délai pour traiter un dossier ? Faut-il patienter longtemps ? Et s'il y a mésentente dans la famille, comment faire ? Le notaire, l'homme de confiance, de loi est aussi impartial. Et donc notre expert ce matin jusqu'à 11h30. 02 62 99 2000 pour toutes les questions et par SMS au 06 92 70 2000. Nous la donne à nous la main, dans le fond, le bras Marvel. Nous la perdons notre chemin, subitons, aux gardes étoiles dans le ciel. Nous la roi d'un petit terrain, la maison, pour grandir la tonnelle. Pasteur ni plante comme terre, où n'y sont les animaux. Il préfère travailler la terre. Excuse-nous si n'y aime pas trop habiter au bord de l'eau. Côté front de mer, n'y habite pas nous trop. Tout ce qu'il faut, pleine de sable à soufrière, piton de l'eau, c'est ce que n'a plus beau. Camarades, ils sortent Saint-Pierre, Saint-Gilles, Léo, personne n'est en trop. Nous les yabés, nous les fiers ici en haut, nous n'a tout ce qu'il faut. Pleine de sable à soufrière, piton de l'eau, c'est ce que n'a plus beau. Camarades, ils sont de Saint-Pierre, Saint-Gilles, Léo, personne n'est en trop. Notre pays, il est vraiment beau, à tel là, nous les confrères. Excuse-nous si notre doute, si nous l'aînés si en haut, dans notre joli petit coin de terre, il plaît vraiment à nous trop. Capitaine Comban Robert, si en haut, nous n'a tout ce qu'il faut. Y'a pas de Johnny ou l'encranaire, si en haut, nous n'a tout ce qu'il faut. Y'a Maul le fils en père, ici si en haut, nous n'a tout ce qu'il faut. Y'a Capitaine Comban Robert, ici si en haut, nous n'a tout ce qu'il faut. Y'a pas de Johnny ou l'encranaire, si en haut. Nous n'a tout ce qu'il faut. Le joli coin de Mahavel dans le sud, et c'était Pat John sur la première. Réunion Première, c'est la radio pays. L'information locale dès 5h. 10 hectares de broussailles. Et tout au long de la journée, des invités à votre écoute. Réunion Première avec vous, sur la route, à la maison et au travail. Le Lancastel, ça y est. Grand matin, dès 5h, la Coljac à 8h et vos experts. J'aimerais savoir comment ça se passe. Le débat de la mi-journée, le bon tempo l'après-midi, le magazine de la rédaction et Claudio dans la case à 19h. Réunion Première, c'est la radio pays. Réunion Première, le son de l'océan Indien. Est-ce que tout le monde est dans la place? Réunion Première vous invite pour Enfants Illois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion Première. Première. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Maître Jérôme Sidney, notaire, bonjour. Bonjour Claude. Merci d'être avec nous, merci d'être présent ce matin pour répondre aux questions des auditeurs au 02 62 99 2000 et puis par SMS au 06 92 70 2000. Si on peut très rapidement rappeler le rôle du notaire, s'il vous plaît. Alors le rôle du notaire, c'est d'authentifier, de donner des garanties sur les conventions arrêtées entre les parties. Par exemple, dans une vente, le notaire va être chargé d'authentifier les signataires, va être chargé de vérifier la sécurité juridique du dossier. Notre rôle est d'être un peu les magistrats de l'amiable, c'est-à-dire que notre intervention a pour but d'éviter justement un procès ultérieur. Donc vous êtes un homme de loi, bien sûr, homme de confiance, officier public ministériel, c'est-à-dire qu'on est nommé par l'État, homme de confiance, bien évidemment, les familles, les clients, les personnes souvent nous parlent de beaucoup de choses, des secrets familiaux. On se confie à vous, hein, c'est ça. On se confie énormément au notaire, oui, bien sûr. Et vous êtes impartial aussi. Et nous sommes impartial, bien sûr. Ouais. C'est le rôle du notaire d'être impartial. Le notaire a autant de responsabilités dans son dossier pour toutes les parties qui interviennent. C'est-à-dire que dans le cadre d'une vente, le notaire a autant de responsabilités vis-à-vis du vendeur que de l'acheteur. Et cela même s'il y a deux notaires sur le dossier. Ce n'est pas comme un avocat qui va avoir tendance à défendre son client. Le notaire, lui, est impartial et se doit d'être équilibré entre les parties. Jérôme Sidney, notaire, est avec nous jusqu'à 11h30 avant de partir au standard parce que des auditeurs ont plein de choses à vous demander, s'il vous plaît. Mais alors, un dossier, pour traiter un dossier, est-ce que c'est long? Est-ce que c'est normal que c'est lent parfois? Ça prend des années pour être réglé? Alors, plusieurs délais. Il faut savoir que sur une vente, par exemple, le délai normal est d'environ 3 à 4 mois. On peut aller plus vite, ça peut prendre parfois plus de temps, mais globalement, ce délai de 3-4 mois est un délai raisonnable. Pourquoi 3-4 mois? Puisqu'il y a des documents à récupérer dans les mairies, il y a des documents à récupérer auprès de certains organismes. Ces documents, alors, c'est... Par exemple, un certificat d'urbanisme. Il faut savoir qu'une mairie a 2 mois pour répondre à la demande du notaire. La purge du droit de préemption de la commune ou de la SAFER, pour lequel ce délai est aussi de 2 mois. Le montage du dossier de financement sur l'opération, qui va mettre un mois et demi, 2 mois, voire plus. Ce sont des délais que nous, notaires, nous ne maîtrisons pas et qui sont incompressibles. Ça, c'est pour une vente. À côté de ça, on a des délais qui peuvent être beaucoup plus longs pour régler des successions ou pour régler des partages. Délais longs, la plupart du temps, pour cause de mésentente familiale. Nous, notaires, n'avons pas intérêt à faire traîner les dossiers. Alors, c'est bien évident qu'on aura tendance à moins vouloir s'occuper d'un dossier qui traîne depuis 3, 4, 5 ans quand on sait pertinemment que la famille règle ses comptes dans le bureau et que même en les recevant, ça ne fera pas avancer les choses. Mais notre rôle justement de notaire est d'essayer d'arriver à une solution amiable sans passer par le tribunal. Et vous arrivez ? Dans la plupart des cas? Souvent. Il faut savoir que, globalement, arrivé à un certain stade, les familles sont bien obligées d'accepter de faire des concessions pour éviter justement de finir devant un tribunal. Et si déjà chez le notaire ça a pris 3-4 ans et que la famille continue de s'obstiner ou que les relationnels familiaux font que la signature n'est pas envisageable, mais lorsque l'on réexplique une nouvelle fois que l'absence de solution à entraînera une procédure judiciaire auprès du tribunal et que cette procédure peut prendre jusqu'à 4, 5, 10 ans, ben en général, ça suffit à décider les récalcitrants. Merci pour ces explications. Nous partons au standard de la première au 02 62 99 2000. Profitez de la présence de notre notaire sur la première pour réagir. Laurent est avec nous, Laurent de Sainte-Clotilde. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Merci d'être Bonjour. Là. Alors vous avez une question pour Maître Jérôme Sidney, notaire. Tout à fait, oui. En fait, j'ai fait l'acquisition d'une maison l'année dernière, au mois d'octobre. Et donc, tout a été signé devant notaire, donc c'était un achat entre particuliers. Et en fait, deux mois après la vente, la finalisation de la vente, je reçois du cabinet de notaire comme quoi je devais d'autres frais. Enfin, comme quoi c'était mal calculé, les frais de notaire, c'était mal calculé. Donc, on me demande 800 euros. Donc, moi, j'ai pas répondu, je vais dire, à ça. Et un mois après, je reçois un nouveau courrier en disant que finalement, c'est pas 800 euros, c'est 600, on va dire 600 euros à peu près que je dois. Mais je voulais savoir, en fait, est-ce que lors de la vente a été signée et tout, est-ce qu'on a le droit de demander encore des sous? Le notaire a encore le droit de demander des sous après le... Parce que moi, j'avais fait mon prêt, en fait, avec les frais de notaire qu'on m'avait demandé pour la signature. Avec les frais de notaire. Voilà. Oui, Maître Jérôme Sidney. Alors, première explication. Ce qu'il faut savoir, c'est que les tarifs chez le notaire ne sont pas libres. C'est l'État qui détermine le D'accord, montant ouais. des frais en fonction du montant du prix de vente. Et ce sont les pièces qui vont être demandées, ce sont les choses qui vont être effectuées qui permettent au notaire de calculer les frais et de dire, bah, pour tel prix de vente, il y a tant de frais. C'est la valeur du bien, c'est le montant du prêt qui vont servir à calculer les frais. Alors effectivement, de temps en temps, ça peut arriver que le notaire se trompe. Alors, dans un sens comme dans un autre, hein, souvent on rend une petite quote-part une fois la signature effectuée. Dans votre cas, ce que je pense, Laurent, c'est il faudrait essayer de voir le notaire, comprendre ce qui s'est passé. Et puis, si c'est une erreur de calcul, de toutes les manières, si la somme est due, eh bien elle est due, il faut la régler. Alors après, si vous n'avez pas trop de sous, je pense que si le notaire s'est trompé, il acceptera peut-être que vous régliez sur plusieurs. Sur plusieurs mois. Alors, c'est possible, ça? Alors non, c'est pas voilà. possible si vous voulez de payer les frais chez le notaire une fois la vente effectuée. Mais D'accord. là, on est dans le cas où probablement il y a eu une erreur dans le calcul. Après, deux fois, c'est ça. Alors, en fait, si vous voulez. Le calcul est fait on ne peut calculer précisément exactement le montant des frais que quand on clôture le dossier. D'accord ? Et une fois que le dossier est clôturé, en fonction de tout ce qui a été fait, là, vous saurez exactement quel est le montant des frais. Maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que le notaire n'a pas appelé, au moment de la signature de l'acte, une provision sur frais suffisante et qu'aujourd'hui, le compte est débiteur et un D'accord. notaire ne peut avoir un compte débiteur. Alors après, faut aller voir. Hein. Vous savez, nous, notaires, on n'a pas intérêt à demander plus de frais que ce que la loi autorise. Et s'il y a une erreur, il faut en parler avec le notaire et puis essayer de voir avec lui comment vous pouvez arrondir les angles. Voilà, D'accord. Laurent. Ok, merci beaucoup en tout cas pour votre émission aussi. Merci. Merci à vous, à très bientôt. Nous irons aux avirons dans 3 minutes à peu près pour retrouver André pour une question à Maître Jérôme Sidney au 02 62 99 2000. Il est avec nous sur la première. Les questions sont possibles aussi par SMS au 06 92 70 2000. Marc Lavoine sur la première. J'ai le cœur qui traîne dans la rue Fontaine. J'ai de l'eau dans les yeux. J'ai le cœur qui traîne, laisse couler la Seine. J'ai le sourire malheureux. Oh, tu sais, je n'ai pas fini de t'aimer. J'ai encore envie d'être heureux, encore heureux. Je n'ai pas fini de t'aimer. J'ai encore envie d'être heureux. Laisse-moi le temps de te regarder. Avant que tu t'en ailles, juste le temps de me retourner. Avant que tu t'en ailles, laissons nos corps encore s'enlacer. Avant que tu t'en ailles, juste le temps de te retrouver. J'ai le cœur qui traîne dans la rue Fontaine. Et j'ai de l'eau dans les yeux. Oui, j'ai le cœur qui traîne. Si j'ai de regarder avant que tu t'en ailles. Juste le temps de me retourner avant que tu t'en ailles. Son encore s'enlacer avant que tu t'en ailles. Juste le temps de te retrouver. Sharon Sidney sur Réunion Première jusqu'à 11h30. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Si vous devez prochainement faire l'acquisition d'un terrain, si vous avez un projet familial, un mariage, une construction, peut-être vous êtes en divorce en ce moment, donc si vous souhaitez avoir des conseils, des questions à poser, n'hésitez pas à joindre Mathias au standard de la première. Et nous avons André des Avirons au téléphone. Bonjour André. Oui, bonjour. Merci d'être bonjour. Avec nous. Merci. Et vous avez une question sur le testament. Exactement, c'est ça. Exactement. Alors allez-y, expliquez-nous. Ben, bonjour, monsieur le notaire. Bonjour, André. Merci. Alors, j'ai une personne qui est décédée, une famille. Il est décédé en 2014. Et il avait fait un testament en 2003. En 2003. Oui. Et il a, pour une personne... Et il avait fait un deuxième testament en 2006 pour une autre personne. Oui. Je voudrais savoir à qui revient le bien, s'il vous plaît. Alors, oui. Déjà, il faut expliquer aux auditeurs ce qu'est un testament. Un s'il testament, vous plaît, oui. C'est du vivant, quand on est vivant. De son vivant. De son vivant. Oui. On prévoit comment vont se partager les biens au décès, en écrivant sur une feuille de papier oui. Les souhaits. Comment on souhaite que ça se passe à son décès. Okay. Et ce papier, ça se fait devant le notaire. Alors, ce papier se fait devant le notaire ou pas. Ou pas. D'accord, vous avez plusieurs types de testaments. Il s'est fait devant le notaire. Le testament, couramment, se fait devant le notaire ou alors se fait écrit par la personne et déposé chez le notaire. Et le notaire enregistre ce testament dans un fichier qu'on appelle le fichier de disposition des dernières volontés. C'est un fichier qui a été créé par les notaires, d'accord, et qui permet à n'importe quel notaire en France de savoir, quand une personne décède, qu'il y a un testament qui a été déposé chez Maître Sidney ou Maître X ou Maître Inter. D'accord, okay d'accord. Dans la situation de monsieur, on a deux testaments. Alors, ces deux testaments, il faudrait savoir vous dire aujourd'hui, sans connaître ce qui est indiqué, ce qui est écrit et ce qui est prévu dans le testament, vous dire qui va hériter, je suis incapable. D'accord. Première chose, c'est qu'en général, quand on fait un testament en 2003 et qu'on fait un second testament en 2005, soit c'est complémentaire, c'est-à-dire qu'on va partager le bien en 2005 entre plusieurs personnes, soit c'est que l'on revient sur ce que l'on avait prévu en 2003. D'accord. Ça, c'est seul le notaire en charge de la succession qui sera à même de vous dire quel est le contenu du testament. Et encore, vous ne le saurez que si vous êtes bénéficiaire ou si vous êtes héritier potentiel de la personne décédée. Le notaire est soumis au secret professionnel, c'est-à-dire que le notaire ne peut pas donner des renseignements à une personne qui serait étrangère au dossier. Et sa femme est toujours vivante ? Alors, sa femme peut parfaitement avoir tous les renseignements qu'elle souhaite en allant chez le notaire, ça c'est sûr. Elle peut, elle les aura. C'est même pas elle peut, c'est qu'elle va être convoquée pour le règlement de la succession. Oui. D'accord. Puisqu'en tant qu'épouse, alors si elle est mariée ou paxée, parce qu'évidemment ça peut être une concubine, mais si elle est mariée, elle sera appelée chez le notaire pour régler la succession. Si quelqu'un ouvre la succession chez le notaire. Il faut aller ouvrir. Il faut bien sûr aller ouvrir la succession chez le notaire. Nous, notaires, n'ouvrons pas les dossiers. On ne reçoit pas tous les jours la liste des personnes décédées et on n'ouvre pas des dossiers de succession comme ça. Il faut qu'il y ait une démarche de l'un des héritiers. Si, par exemple, vous pensez que le testament a été fait à votre nom et que vous avez une copie du testament, vous pouvez parfaitement aller chez le notaire et ouvrir le dossier de succession. D'accord. Si ce monsieur était marié, il est bien évident que l'idéal serait que madame ou ses enfants puissent ouvrir le dossier de succession. Mais ce que je veux bien savoir, c'est qu'il faut voir ce qui est écrit sur le testament, c'est ça? Ça, encore une fois, je vous le dis, vous ne pourrez le savoir, ne peuvent savoir ce qui est écrit dans le testament, chez le notaire, que les personnes qui vont avoir un intérêt dans le dossier et qui vont être héritiers. Un étranger ne saura pas ce qui se passe dans un dossier de succession en allant voir le notaire ou en téléphonant chez le notaire. D'accord. Voilà, André. Merci, merci pour les renseignements. Merci à vous, à très bientôt. Merci, à bientôt sur Réunion Première. Monique est avec nous, Monique de Détente Salée. Bonjour Monique. Oui, bonjour. Bonjour, c'est à vous Monique. Oui, alors moi, bonjour maître. Bonjour madame. Oui, alors moi je voudrais vous poser une question. J'ai ma mère qui est morte il y a 6 ans. Oui. Il y a un terrain familial de 3000 mètres carrés. Oui. Et ce terrain n'a pas été partagé. Oui. Et nous sommes 7 enfants. Oui. Alors, je voulais savoir comment procéder pour pouvoir acquérir ma part dans ce terrain. Alors, déjà, est-ce que les 7 héritiers s'entendent? Oui, on s'entend. Eh bien, si les 7 héritiers s'entendent, il faut aller chez le notaire, d'accord? Oui. Le notaire va expertiser le bien, va donner une valeur au terrain pour savoir quelle valeur chacun des héritiers reçoit. Oui. Et ensuite, il va falloir vérifier si vous pouvez diviser le terrain en 7, si c'est possible, c'est-à-dire si chacun peut avoir un morceau de terrain. Si chacun peut avoir un morceau de terrain, bah tant mieux, c'est parfait. Chacun sera attributaire d'une parcelle et pourra faire ce qu'il en veut. Il pourra la vendre à un héritier ou la vendre à un étranger. Mmh. Et puis, on a la solution où le terrain n'est pas divisible en 7, c'est-à-dire la réglementation d'urbanisme qui s'applique sur la parcelle empêche de diviser le terrain en 7. Et puis, bah, dans ce cas-là, il va falloir s'entendre entre héritiers pour savoir qui prend un morceau de terrain et qui reçoit un chèque. D'accord. Puisque l'héritier qui n'aura pas de morceau de terrain aura droit à un septième de la valeur du terrain quand même. Oui. Et c'est le notaire qui sera le chef d'orchestre et qui harmonisera le relationnel entre toutes les parties. D'accord. Alors, je vais vous poser une deuxième petite question vite fait. Oui. Est-ce qu'il y a un droit de succession à payer dans ces cas-là? Alors, si la succession... Alors, vous êtes héritier. Si vous n'avez jamais fait les papiers de succession, bien évidemment, il faudra régler la succession. C'est-à-dire D'accord. qu'il faudra faire les documents, signer les actes et les papiers nécessaires à la transmission du bien de la personne décédée au profit de ses 7 héritiers. Ça, c'est D'accord. le règlement de la succession. D'accord. Et ensuite, lorsqu'on partage le bien, l'État prend des taxes et il y a un acte de partage à faire également. Et ça, ça engendre des frais. Et ces frais, comme je l'expliquais tout à l'heure à l'auditeur précédent, pour une vente, pour une succession et pour un partage, ça fonctionne de la même manière. C'est l'État qui détermine, en fonction de la valeur du terrain, le montant des frais de succession et le montant des frais de partage. D'accord. Mais dans le cas où il y a un acheteur, il y a quelqu'un qui... les 7 héritiers décident de le vendre. De vendre le terrain, eh ben, il faudra quand même partager l'argent. Même si vous ne partagez pas le terrain, il faut quand même partager l'argent. Donc il y a un acte de partage et il faut quand même régler la succession. D'accord. Oui. Ce sera. Donc on est obligé. Ma question elle est là. On est obligé de passer par. Par le règlement de la succession et par le règlement du partage. Bien évidemment, vous êtes obligé. C'est l'État et c'est la loi qui organise les modalités de transmission. Et la loi prévoit que quand une personne décède, il faut régler sa succession. Et quand il y a un bien qui appartient à plusieurs propriétaires qui provient d'une succession, eh bien, on doit le partager. D'accord. Voilà, Monique. Merci beaucoup. Merci à vous. On va aller très vite parce qu'il y a du monde au standard qui souhaite réagir. Maître Jérôme Sidney est avec nous. Sylvain de Saint-Gilles. Bonjour Sylvain. Oui, alors bonjour. Avant tout, j'aimerais vous remercier de répondre à toutes les questions. J'espère que vous pourrez répondre à la mienne. Je vais essayer. Alors, en espérant, enfin, j'espère qu'elle n'est pas trop compliquée. Non. Alors, en fait, ce que je voulais savoir, c'est le délai minimum d'occupation d'une résidence principale afin d'être exonéré de taxes. Sur la plus-value. Voilà. Alors, il n'y a pas de délai légal déterminé dans le Code général des impôts. Ouais. C'est un peu. Ouais. C'est un peu, je ne vais pas vous dire à la tête du contribuable, mais c'est un peu analysé en fonction du dossier. Si tous les ans, vous achetez une maison, ou deux fois par an, vous achetez une maison que vous qualifiez de résidence principale et tous les ans, vous la vendez pour gagner une petite monnaie sans payer de plus-value, eh bien, arrivé un jour, vous allez être redressé par l'administration fiscale puisque ça va devenir une activité commerciale, un petit peu comme si vous étiez professionnel. Ah oui. Et puis, il y a le cas de la personne de bonne foi qui achète un bien qui ne s'y plaît pas forcément et qui va décider de le vendre rapidement. Ça, ce sera au moment du contrôle fiscal, quand vous aurez un charmant contrôleur fiscal assis en face de vous, qu'il faudra justifier et trouver les arguments pour le convaincre que c'est bien votre résidence principale et que vous l'avez revendu rapidement pour une raison X ou Y. D'accord, parce qu'en fait, concrètement, c'est que j'ai vendu la maison dans laquelle j'habitais depuis 5 ans. J'ai acheté un appartement dans lequel je fais des travaux et dans lequel je pensais rester. Et j'ai l'opportunité d'acheter un terrain qui m'intéresse. Oui. Étant donné les travaux que j'ai fait dans cet appartement, je pense qu'il y aura une plus-value. Donc, entre cette année où j'ai déjà vendu une maison, l'année prochaine où je vais certainement vendre cet appartement, est-ce que justement le délai sera suffisant d'occupation? Oui, à vue de nez comme ça, c'est suffisant. Mais encore une fois, l'avis du notaire, même si on est rompu, hein, ça nous arrive régulièrement, votre situation, donc on sait l'expliquer aux gens comme je vous l'explique à l'instant. Mais c'est vraiment l'administration fiscale qui va décider si oui ou non, vous bénéficiez de cette exonération. Et c'est la fréquence des opérations immobilières que vous allez réaliser qui vont leur donner la puce à l'oreille. Si... D'accord. Comme beaucoup de monde, vous gagnez un petit peu de sous en achetant un bien, en le revendant quelques temps plus tard. Tant que c'est votre résidence principale pendant un certain délai non déterminé par le Code général, hein, j'insiste, par le Code général des impôts, eh ben, vous n'aurez pas de soucis. Maintenant, c'est évident que si vous achetez l'appart, que 3 mois plus tard, vous déménagez, que vous réalisez une plus-value de 50 000 et que vous pensez être exonéré, ça peut passer comme ça peut ne pas passer. D'accord. Très bien. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à ma question. Alors. Bah écoutez, ça a été très rapide. Alors, c'est bien clair pour vous, hein, Sylvain. Ça va, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci. Nous irons tout à l'heure sur Saint-Pierre retrouver Prosper. Les questions, les réactions au 02 62 99 2000 et puis par SMS au 06 92 70 2000. Maître Jérôme Sidney sur Réunion Première. Combien sont certains que l'amour ne les aime pas? Tu pensais être tombé amoureux, t'es tombé dans une impasse. Moi si tu vois mon cœur passer, dis-lui que je vais lui parler en face. C'est vrai que j'aurais pu tout claquer, même si le bonheur ne s'achète pas. J'ai dû remballer, je m'étais emballé et mis en galère, elle m'a rencardé, on m'a retardé. Je suis pas venu à l'heure, elle m'a recalé. Mais ai-je besoin d'elle? Où ai-je besoin d'elle? Envie de m'en aller, envie de m'en aller loin. Oh non, j'aurais bien voulu changer le cours des choses. Mais oui, ma vie est un grand désordre. Tu m'en veux car je suis différent des autres. Pourtant, je ne fais pas semblant. Je ne suis vraiment pas comme tous ces hommes. J'aurais tellement voulu rattraper mes fautes. Mais la chance a fini par me laisser tomber. Je cours après l'argent, bébé, l'amour me déroute. On n'est pas fait pour s'entendre, on est fait pour que tu m'écoutes. Pour que tu m'écoutes. Tu fais la bouffe, je fais les courses. J'ai arrêté de picoler, pourquoi tu saoules? J'en ai connu des poufs, j'en ai semé des doutes. Je veux pas que mon épouse prie la nuit pour que je m'étouffe. Que je m'étouffe. Ne vois-tu pas qu'on s'essouffle? J'suis le muet lié à le vaisseau. Nos sentiments s'écroulent comme les tours de New York. T'attaches pas à moi, j'suis un boulet comme Benoît Poulevard. J'suis là, mais fais rien pour l'autre. suis un pirate, t'es mon trésor. Je vais te couvrir d'argent jusqu'à Nonas. Tu peux fouiller dans le fun, y'a que des bolos. Mais après être tombé là, je pourrais tomber en tol. Crois pas que je laisse tomber si demain tu tombes en tol. J'aurais bien voulu changer le cours des choses. Mais oui, ma vie est un grand désordre. Tu m'en veux car je suis différent des autres. Pourtant, je ne fais pas semblant. Je ne suis vraiment pas comme tous ces hommes. J'aurais tellement voulu rattraper mes fautes. Mais la chance a fini par me laisser tomber. J'ai brisé autant de cœurs que de miroirs. Je pourrais répondre non le jour de mon mariage. Notre histoire, yeah. Si c'est pas avec moi, ben t'iras nulle part. Oh, oh, boy. Changer le cours des choses. Mais oui, ma vie est un grand désordre. Tu m'en veux car je suis différent des autres. Pourtant, je ne fais pas semblant. Je ne suis vraiment pas comme tous ces hommes. J'aurais tellement voulu rattraper mes fautes. Mais la chance a fini par me laisser tomber. Est-ce que vous devez prochainement faire l'acquisition d'un terrain? Vous avez besoin de conseils juridiques? L'homme de confiance, l'homme de loi, Maître Jérôme Sidney est avec nous sur Réunion Première jusqu'à 11h30. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Prosper de Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Prosper. Et vous avez une question pour Maître Jérôme Sidney. Oui, Maître Sidney, bonjour. Bonjour. J'ai acheté un terrain il y a 4 ans de cela. Et le souci qui s'est posé jusqu'à maintenant, j'ai eu mon acte définitif, mais il y a une partie de la voie, comment dirais-je, la voie qui partage l'accès de ma route, de ma maison. Qui n'a pas signé le droit de passage. Est-ce que ça va me poser un problème sur les... Si un jour, il décide de vendre la maison, et il y a d'autres personnes qui prendront la propriété où la personne n'a pas signé le droit de passage, en quelque sorte, ça va me poser un problème par la suite. Oui. Alors... Dans votre situation, il est bien évident... C'est compliqué ou pas là? Non, c'est pas compliqué, non. Ça arrive régulièrement. C'est une situation qui se rencontre régulièrement, d'avoir des accès qui ne sont pas... On appelle ça un accès qui n'est pas juridiquement constaté par acte notarié, c'est-à-dire par la constitution d'une servitude où toutes les parties interviennent pour signer l'acte, ou par jugement. Il faut savoir que il y a un article du Code civil qui permet d'obtenir ce que l'on appelle le désenclavement. C'est-à-dire que si votre terrain n'a pas accès à la route, parce que ça passe sur une propriété voisine, que la personne n'a pas accepté de signer le passage, eh bien le Code civil prévoit que de toutes les manières, si vous allez au tribunal, vous aurez gain de cause pour accéder à votre terrain, parce qu'on ne peut pas avoir un terrain qui n'a pas d'accès à la voirie. Ok ? Ouais. Maintenant, dans votre cas, je pense que l'idéal, ce serait quand même d'essayer de discuter avec cette personne pour réussir à l'amener chez le notaire pour signer cette constitution de servitude de passage. Mais moi, je connais pas cette personne-là. Bah, même si vous la connaissez pas, justement, si c'est votre voisin, ça peut être un bon moyen justement, de... Justement, cette personne, elle n'habite pas à côté de chez moi, c'est... Enfin, c'est des locataires, mais je ne sais pas où est-ce qu'il habite, cette personne-là. Ouais. Vous voyez Alors, vous avez la solution d'aller chez le notaire et demander au notaire de trouver le propriétaire de la parcelle, d'essayer de retrouver l'adresse et puis de demander au notaire d'écrire à cette personne-là. Juridiquement, il est vrai que dans votre situation, ne pas avoir de soucis serait d'obtenir la signature de cette personne-là. Maintenant, vous êtes le seul à accéder par ce chemin ? Ah non, on est il y a 1, 2, 3, 4, 5 propriétaires. Voilà, donc il y a 5 propriétaires, ça veut dire que si cette personne-là... Les autres, ils ont signé le droit de passage, etc. Oui. J'ai eu mon acte définitif, mais sans, je crois que cette personne n'a pas signé son... Alors, si elle a signé, si elle a signé pour d'autres parcelles qui sont autour de vous, il faut savoir qu'elle a admis l'existence juridique du chemin. Donc, il n'y a pas de raison que pour vous, il y ait de problème. Et puis, peut-être que dans votre acte, il y a ce qu'on appelle un rappel de servitude, c'est-à-dire que le notaire a rappelé que le chemin existait parce qu'il avait été constitué dans un autre acte notarié. Après, est-ce que je peux vous rappeler ultérieurement après ceci, maître Ciné, parce que oui, vous pouvez regarder. Non, justement, c'est parce que mon dossier était traité chez vous. Ah bah bien sûr, bah faut pas hésiter à venir me voir dans ce cas-là, il y a aucun problème. Voilà. Bien sûr. Bien sûr, on regardera ensemble et puis on essaiera de voir. Il faut regarder. Mais encore une fois, si le chemin a été constaté dans d'autres actes ou pour d'autres propriétaires voisins, appelez-moi, on regardera ça ensemble et on devrait réussir à trouver une solution. D'accord. Merci Prosper. Pas de souci. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. À très bientôt sur Réunion Première. Acoustique Première avec David. Ce samedi 10 septembre, retrouvez l'artiste Afrosol Claudie en live et en interview. Une signature vocale unique. Claudie, jeune espoir de la musique pays, pour une session live acoustique inédite et intimiste, c'est samedi soir. Acoustique Première avec David, tous les samedis de 18h à 19h sur Réunion Première. L'info sur Réunion Première en télé, ce sont deux rendez-vous quotidiens. Pascal Soupraïen. Bonjour, voici les titres de l'édition de la mi-journée. Valérie Filin. Bonsoir, il est 19h, merci de votre fidélité. Émilie de Balmann. Bonjour, bienvenue dans votre édition du week-end. Réunion Première, une information sérieuse et vérifiée par des journalistes sur toute l'île. Plus d'une centaine de reportages chaque semaine et des directs. Vos rendez-vous d'information, c'est tous les jours en télé à 12h30 et 19h sur Réunion Première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Samuel qui nous écoute, Samuel de Sainte-Suzanne, il pose sa question par SMS. Une personne âgée a vendu son terrain à un neveu, mais il a gardé la jouissance. Donc la personne peut-elle transférer à quelqu'un d'autre cette jouissance car elle va en maison de retraite? Et puis l'autre question de Samuel, c'est à quel coût? Alors, la personne qui détient la jouissance peut parfaitement la transmettre ou à son neveu ou à quelqu'un d'autre. C'est une donation comme on donne un bien immobilier en pleine propriété. Très bien, d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est la jouissance? Déjà, c'est la possibilité d'occuper le bien et c'est la possibilité de mettre des locataires et de toucher les loyers. On parle de jouissance ou on appelle ça également l'usufruit. Oui, d'accord. Garder l'usufruit, oui. D'accord. Alors, cet usufruit, il est déterminé en fonction de deux choses. La valeur du bien et l'âge de la personne qui en bénéficie. Donc cette tante pourra donner l'usufruit, soit à son neveu, soit à un étranger. Et il y a des taxes qui seront appliquées par l'État sur la valeur effectivement transmise. C'est-à-dire que, en fonction de l'âge, comme je vous disais tout à l'heure, en fonction de la valeur du bien, on va arriver à une valeur d'usufruit. Et si cet usufruit est chiffré à 50 000 euros, eh bien il y aura des taxes qui vont s'appliquer sur cet usufruit. Ce que je conseille à l'auditeur, c'est de prendre contact avec son notaire, d'accord, d'aller le voir avec l'acte notarié, avec l'acte de propriété, et puis de valoriser cet usufruit et de calculer les frais et les taxes qui vont être dues à l'État pour la transmission. Voilà Samuel. Alors autre question, c'est je veux déposer mon testament chez le notaire, et puis alors combien ça coûte? Ça c'est la question qui revient aussi. Si je le fais dans la discrétion, comment sera prévenu mon héritier à mon décès? Alors, le testament se dépose, comme je l'expliquais tout à l'heure, chez le notaire, effectivement. Les frais d'enregistrement, si vous déposez uniquement le testament pour l'enregistrer, il faut compter, aller un peu moins d'une cinquantaine d'euros pour les frais d'enregistrement. D'accord? Au moment du décès de cette personne-là, le notaire qui va être en charge de la succession, d'accord? Il va falloir qu'il y ait quelqu'un, comme j'expliquais également tout à l'heure, qui vienne ouvrir le dossier de succession. Le notaire de lui-même ne peut pas ouvrir un dossier de succession. D'accord. Oui. Donc il faut que l'héritier, il faut en fait que la personne titulaire du testament soit prévenue. Ou si cette personne-là n'est pas prévenue, prévenir un tiers de confiance qui lui ouvrira le dossier de succession chez le notaire. Pas plus compliqué que ça. Tout simplement. Alors, autre question. Mes parents sont propriétaires d'un terrain et d'une maison. Ils ont l'intention de donner à ma sœur ses biens, tout en sachant qu'on est 9 enfants. Alors, est-ce que c'est possible, déjà? Maître Jérôme Sidney. C'est possible de donner le bien, c'est possible de son vivant de donner le seul bien qui nous appartient, même si on a plusieurs enfants, on peut le donner à un seul enfant. Sauf que, au décès des parents, on va faire un compte, c'est-à-dire qu'on va vérifier quels sont les biens qui ont été donnés du vivant des parents et quels sont les biens qui existent au moment du décès des parents. On va donc faire un compte, et sur ce compte, on va appliquer les dispositions légales en la matière. C'est-à-dire que quand on a 9 enfants, on peut faire ce que l'on veut, c'est-à-dire on peut disposer au profit de n'importe qui d'un tiers des biens qui nous appartiennent, les deux tiers restants, un quart, et les trois quarts restants se partagent entre tous les enfants. Faut-il la signature des 8 autres pour effectuer la donation ? Non, pour la donation, il n'y a pas besoin de la signature des 8 autres. Mais au décès des parents, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la réserve héréditaire, c'est-à-dire ces trois quarts qui reviennent obligatoirement aux autres enfants, devra être partagée. C'est-à-dire que l'enfant qui recevrait aujourd'hui la maison pour lui tout seul doit se préparer à faire un chèque au décès de ses parents de manière à indemniser ses frères et sœurs de leur part. Si aujourd'hui la donation est faite avec l'accord des 8 autres frères et sœurs qui disent « Eh bien, on accepte de ne rien avoir au moment du décès », eh bien, il y aura à faire un acte de donation et ce que l'on appelle un acte de renonciation à l'action en réduction. C'est-à-dire que du vivant des parents et du vivant de tous les enfants, c'est un acte particulier. Les enfants, les 8 autres, vont renoncer à demander leur part dans la succession de leurs parents. Okay ? Donc c'est un acte grave. C'est un acte qui est reçu par deux notaires, de deux offices notariaux différents. Le deuxième notaire est nommé par la Chambre des notaires, mais c'est possible, c'est envisageable. Donc deux cas. Soit tous les enfants sont d'accord pour ne rien avoir au moment du décès, faut prévoir la signature de cet acte de renonciation à action en réduction. Soit les enfants ne sont pas d'accord et au moment du décès des parents, il faudra prévoir de les indemniser. Alain de la Possession est en direct sur Réunion Première. Bonjour Alain. Bonjour Claude, bonjour Maître Sidney. Bonjour. Oui, moi j'ai une question. Une personne qui a un enfant qui est totalement handicapé. Oui. La maman, elle a déjà un certain âge. Elle voudrait mettre l'enfant sous la tutelle d'un de ses neveux ou nièces. Ouais. Est-ce que ces biens à elle vont revenir à celui qui a la tutelle de l'enfant à son décès ? Alors, ça, c'est. Réexpliquez-moi, s'il vous plaît, cette personne. Cette dame, elle a un enfant qui est totalement handicapé. Vraiment, il faut vraiment tout faire avec lui. D'accord ? Oui. Elle est déjà à un certain âge. Elle a que cet enfant ? Elle n'a que cet enfant ? Elle n'a qu'un seul enfant. Elle n'a qu'un seul enfant ? Oui. Oui, et qui est handicapé. Et donc, elle voudrait confier la tutelle de cet enfant à une de ses nièces, puisqu'elle ne peut plus vraiment s'en occuper, elle est déjà âgée. Oui. Mais est-ce que, à son décès, est-ce que les biens de cette dame reviendront de droit à la personne qui sera occupée de l'enfant, qui aura eu la tutelle de l'enfant ? Pas du tout. C'est l'enfant qui hérite. Maître Jérôme Sidney. Alors, dans cette situation, c'est l'enfant qui hérite des biens. L'enfant sous tutelle qui hérite des biens et toute la disposition des actes, tout ce qui se fait doit être validé par ce que l'on appelle le juge des tutelles. D'accord. Et après, au décès de l'enfant ? Eh bien, au décès de l'enfant, ce sont les héritiers de l'enfant. Alors, si elle a des enfants, ben, ce seront ses enfants. Et si cette personne-là n'a pas d'enfants, eh bien, ça peut être ses frères et sœurs. S'il n'a pas de frères et sœurs, ça peut être ses cousins et cousines, donc les tantes. D'accord. Merci pour votre réponse. Merci à vous, à très bientôt sur Réunion Première. Alors, Maître Jérôme Sidney, j'ai signé un compromis en octobre 2015. Le vendeur, donc sous tutelle, est décédé en février 2016. J'ai peu de nouvelles du suivi auprès de mon notaire. Voilà. Combien de temps pour la vente dans ce cas ? J'ai besoin de construire pour défiscaliser. Alors, dans cette situation, première étape, quand on n'a pas de nouvelles du notaire, on prend son téléphone ou on se déplace et on va à la rencontre du professionnel. D'accord ? Ne pas hésiter, surtout. Il ne faut pas hésiter. On peut avoir des problèmes de communication. Je veux dire, le notaire, son intérêt est que les actes se signent. On peut avoir des problèmes de communication, effectivement, à ne pas tenir les personnes informées de l'avancement ou des problèmes qu'il y a sur le dossier. Mais quand vous n'avez pas de nouvelles, il ne faut pas hésiter à passer ou à téléphoner à l'office notarial pour faire un point avec le collaborateur ou avec le notaire. Dans cette situation, effectivement, ça va beaucoup compliquer les choses, puisque quand une personne décède, eh bien, il va falloir trouver ses héritiers. Il faut que ses héritiers soient d'accord, même s'ils sont tenus à la signature de la vente définitive, parce qu'ils sont obligés de reprendre les engagements du défunt. Ils peuvent ne pas être d'accord pour signer ou ne pas vouloir entendre parler de la famille ou raison X ou Y pour refuser de signer. Ça arrive, ça arrive régulièrement. Et là, le notaire va être embêté puisque pour signer la vente, il faudra impérativement régler la succession. Et si la succession ne se règle pas à l'amiable, si le notaire ne réussit pas à faire que la succession en essayant de convaincre les parties, ou si les gens ne veulent rien comprendre ou ne veulent rien savoir parce que l'historique familial fait que les histoires priment sur l'intérêt monétaire et l'intérêt financier, eh bien dans ce cas-là, c'est quelque chose qui se terminera au tribunal. Et les délais, avec un tribunal, on les connaît tous, c'est beaucoup plus long qu'à l'amiable chez le notaire. Samuel qui dit, qu'est-ce que la donation de son dernier vivant? Voilà, c'est sa question. La donation dernier vivant. Alors, la donation au dernier vivant, c'est ce qu'on appelle également la donation entre époux. Lorsque deux personnes sont mariées, elles peuvent prendre, dans un acte notarié, des dispositions pour s'avantager mutuellement. Voilà, pas plus compliqué que ça. C'est l'acte de donation entre époux que l'on appelle également donation au dernier vivant. Nous irons, juste après l'info de 11h, retrouver Marie de la Bretagne pour une question à Maître Jérôme Sidney, notaire, jusqu'à 11h30. Les questions, vous continuez à les envoyer aussi par SMS au 06 92 70 2000. Voici Julianne Peretta sur la première. When the leaves turn brown, I watch them burn across the sun and above the clouds. The siren's clear, I'm ready to fall and find a lover that was meant for me. When the wolves run wild, I see myself, but you won't take this road I go down. The nights grow cold, the flame goes out, living forever in a ghost town. You save me, I'll save you. Déjà consulté un notaire, quel est le rôle précis de cet homme de loi? Besoin de conseils juridiques? Et si vous devez prochainement faire l'acquisition d'un terrain, un projet familial, un mariage, une construction, un partage à faire entre les enfants de la famille, pour consulter un notaire, combien ça coûte? Et puis vos droits et vos devoirs, et surtout comment les faire valoir? On en parle jusqu'à 11h30 au standard de la première, au 02 62 99 2000. Maître Jérôme Sidney est avec nous. Il est 11h sur Réunion Première, l'info avec Bruce Réjean, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Le premier procès d'assises avait débouché sur un acquittement, mais le parquet est loin d'avoir été convaincu de l'innocence de ce tipeur, qui est donc de retour dans le box des accusés aujourd'hui. Dans le journal de midi, nous parlerons de cette affaire de viol répété présumé à Saint-Louis. La jeune victime avait 13 ans quand les assauts de son beau-père ont commencé. Ils ont duré 6 ans entre 2007 et 2013. Le trentenaire ne reconnaît que des agressions sexuelles pour lesquelles il avait été condamné en première instance à 3 ans de réclusion. La justice dans le cadre sportif suite à la chaotique première étape du Tour de l'Île cycliste dimanche dernier. Le père de Jonathan Boyer, coureur sérieusement blessé dans une chute, avait entravé le sprint final avec des barrières de sécurité et provoqué la chute des vainqueurs potentiels, ce qui a fait scandale. Bernard Boyer s'est défendu dans la presse en expliquant avoir voulu protéger son fils encore à terre. La contre-attaque sera également judiciaire. L'avocat de la famille a décidé de porter plainte aujourd'hui contre le concurrent responsable de la chute initiale et aussi contre l'organisateur de la course qui aurait dû, selon lui, interrompre cette étape. Le dispositif anti-requin sera renforcé, annonce hier du Centre de ressources et d'appui sur le risque requin. Le CRA ne dit pas encore quand les sites des Roches Noires et de Boucan-Canotte seront à nouveau autorisés à la baignade, mais il a donné quelques pistes. Le seuil de houle acceptable devrait être abaissé et des personnes assermentées devraient être présentes les jours de flamme rouge pour que l'interdiction soit mieux respectée. L'État envisagerait même de mobiliser des gendarmes et peut-être de les équiper de jet ski. Le coup de pouce fiscal aux entreprises ultramarines prolongé. Erika Baredj, la ministre des Outre-mer, a obtenu de Manuel Valls le maintien des aides fiscales dans les zones franches d'activité outre-mer. Trois dispositifs sont concernés. La contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, l'impôt sur les sociétés et la taxe foncière. Les taux d'abattement pour les entreprises devaient à l'origine progressivement être réduits, ce que contestait le patronat outre-mer. Ça a pris du temps, mais ça y est, l'Université de la Réunion a son nouveau président, c'est Frédéric Miranville. Il a été élu par 20 voix contre 15 à Jean-Pierre Chabriat. Et cela grâce au ralliement de Gilles Lajoie, qui prendra lui la tête du futur conseil académique. Dans les bars et les restaurants, les serveurs ont pris l'habitude de leur proposer d'office du jus de fruits ou de l'eau gazeuse. Si les femmes enceintes sont interdites d'alcool, c'est parce que la santé de leur futur bébé est en jeu. Ce 9 septembre est la journée mondiale du syndrome d'alcoolisation fœtale. Dans le journal, nous verrons qu'un seul verre peut suffire à gâcher toute une vie. Autre journée particulière sur le calendrier, si vous avez de vieilles piles qui traînent, ne les mettez pas à la poubelle, ça pollue. Rapportez-les sur un point de collecte, surtout aujourd'hui, donc, puisque c'est la deuxième journée européenne du recyclage. Il s'agit de faire remonter la Réunion dans le classement des territoires qui participent à ce geste éco-citoyen. Pour le moment, notre île figure parmi les régions qui collectent le moins. Et puis, Claude, dans le journal de midi, nous entendrons un militaire du 2e RPIMA, tout juste de retour des Pays-Bas, où il a remporté un titre de champion du monde de sauvetage nautique. Tous les détails tout à l'heure. Tout de suite, l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Des heures et des heures d'attente pour 33 personnes bloquées depuis hier dans des télécabines au-dessus du Mont Blanc, tout près de l'aiguille du Midi, à des dizaines de mètres d'altitude. Mais enfin, à la fin de la galère, le mécanisme est reparti, assurent les responsables de ce téléphérique. Leur cible n'était pas connue, mais pour la DGSI, pas de doute, un attentat terroriste a bien été déjoué en France. Les trois femmes interpellées hier soir à Boussy-Saint-Antoine, dans l'Essonne, au sud de Paris, sont présentées comme radicalisées, fanatisées. L'une d'entre elles, âgée de 19 ans, est la fille du propriétaire de la voiture remplie de bonbonnes de gaz, retrouvée le week-end dernier à Paris, tout près de Notre-Dame. Le détenu qui a poignardé dimanche deux surveillants à la maison d'arrêt d'Ony dans le Val-d'Oise, lui, est mis en examen. Cet homme de 24 ans, incarcéré dans une unité de prévention de la radicalisation pour avoir tenté de rejoindre la Syrie, est désormais poursuivi pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. La Chine appelle à la prudence pour éviter tout risque de conflit armé après un nouvel essai nucléaire nord-coréen. Pyongyang a sans doute réalisé son tir le plus puissant, si puissant qu'il a causé un tremblement de terre. Condamnation et inquiétude de la part de Paris et Washington. Après l'argent à Athènes, à Pékin également, la judokate Sandrine Martinet, malvoyante de naissance, remporte l'or à Rio. C'est la toute première médaille d'or de la France pour ces Jeux paralympiques au Brésil. La météo de ce vendredi 9 septembre. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Le soleil continue de briller sur le département, les cercles volcans, les plaines et le bord de mer qui bénéficient de belles périodes ensoleillées. Pour cet après-midi, les nuages seront dans les hauts et dans les cirques. Un peu plus tard dans le nord-ouest, vers le port et la possession, les plus hauts sommets seront toujours au soleil. Un mot sur les températures affichées aujourd'hui, 17 degrés au volcan, 27 sur Saint-Paul et 21 degrés dans le cirque de Sillaos. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Peut-on tout confier au notaire? Le délai pour traiter un dossier, est-ce qu'il faut patienter longtemps? Et s'il y a mésentente dans la famille, comment faire? On en parle ce matin jusqu'à 11h30. Les questions au 02 62 99 2000 et puis par SMS au 06 92 70 2000. Maître Jérôme Sidney est avec nous sur la première. 10h midi, les experts avec Claude Montané. We'll be right back. souvenirs sur la première avec Carlos Santana. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Maître Jérôme Sidney, notaire, qui répond aux questions de nos auditeurs sur la première. Marie de la Bretagne, bonjour Marie. Bonjour, monsieur, docteur, voilà, j'aime bien votre émission. Alors, je pose ma question. J'ai acheté un terrain avec mon fils au premier mariage. Et donc, le terrain est à son nom et à mon nom. Oui. D'accord? Et entre-temps, je suis divorcée avec son papa. Donc, le terrain est fait au nom de jeune fille, de moi, personnellement, avec lui. Bon, après, j'ai fait un autre mariage après, mais là, j'ai acheté un autre terrain, et avec cette union-là, on a une fille. Oui. Alors, je voulais savoir, à mon décès, là, est-ce que mon fils a le droit de réclamer quelque chose à ma fille, puisque je suis sa mère aussi? Alors, bien sûr, bien sûr, on ne peut pas déshériter ses enfants. Donc, qu'est-ce qui va se passer à votre décès? Mais à votre décès, on va regarder quels sont les biens qui vous appartiennent. Ah. Et ces biens seront partagés entre vos enfants. Ah, d'accord. Et pour même éviter lui, ça... le terrain que mon fils est déçu, que moi j'ai gardé, je suis à l'usufruit sur ce terrain-là, il y a une belle maison et tout. Oui. Est-ce que lui ne peut pas garder ça et laisser ma fille? Parce alors, que ma il fille faut... a acheté. Hein? Beaucoup de solutions peuvent être envisageables. Il faut prendre contact avec votre notaire, aller le voir avec les actes notariés que vous avez signés. Ouais. Et puis, le notaire sera à même de vous conseiller. Dans votre cas, ce qu'il faudrait de préférence, c'est faire une donation de votre vivant, c'est-à-dire procéder à une donation dès que possible pour que vous partagiez votre bien sous votre autorité de votre vivant et que vous disiez de manière équitable, ça c'est pour toi et ça c'est pour toi. Ah, d'accord. D'accord. Oui. Et autrement, justement, j'ai entendu dire que, si on ne partage pas maintenant, à maman, lui, il peut venir réclamer. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pas de ma fille. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Au moment de votre décès, si votre fils n'a rien eu, il est en droit de venir demander sa part. Il a sa maison que j'ai gardé les usufruits, là. Oui, mais... La maison, est-ce qu'il l'a achetée avec vous ou est-ce que vous lui avez donné? Je lui ai donné le terrain. Lui, il a construit une maison dessus avec mon autorisation. Oui. Et c'est lui qui a payé sa maison, bien sûr. Eh bien, dans votre situation, ce qu'il va falloir voir, c'est est-ce que le fait de lui avoir donné ce terrain, est-ce que la valeur de ce terrain correspond à peu près à la valeur de ce que recevra votre fille? Ah. D'accord. Prenez contact avec votre notaire et je vous dis, la situation n'est pas compliquée. Dans votre cas, il y aura une solution très facile à trouver. Oui, mais moi j'aurais préféré qu'il garde la sienne. Et non, mais justement, s'il a déjà reçu quelque chose de votre part, si vous lui avez déjà donné le terrain... Je lui ai pas donné il est déçu. Je lui ai donné complètement puisque moi j'ai gardé que l'usufruit. Oui, mais c'est pas grave que vous ayez gardé l'usufruit. Si vous lui avez donné la nue propriété, ça veut dire que vous lui avez déjà donné quelque chose. D'accord. Donc il a déjà reçu quelque chose de votre part. Oui, donc il faut voir la valeur de ce qu'il a déjà reçu valeur qu'il a le terrain ici. Quoi. Voilà. Et ce qui serait bien, c'est de refaire un acte de donation-partage, c'est-à-dire en réintégrant, en faisant un acte dans lequel acte on reparlerait de la donation que vous avez fait à votre fils pour que dans cet acte de donation-partage, le partage de tous vos biens soit effectué de manière égalitaire. Et équitable. Ah d'accord. Eh bien mon mari, lui, il a pas un mot à dire. Bien sûr que si, votre mari a son mot à dire. Si vous avez acheté il va dire que c'est moi qui ai acheté. Votre mari, de toutes les manières, tout ça, madame, si vous êtes mariée, vous êtes peut-être mariée avec un contrat ou sans contrat? Sans contrat, comme tout le monde. Marie, comment ça, comme tout le monde? Donc, si vous avez acheté le bien... Si vous avez acheté le bien en communauté avec monsieur, il faut savoir que vous, votre part n'est que de la moitié sur ce bien. Ouais. Et c'est sur cette moitié que les deux enfants... En fait, on va regarder les biens dont vous êtes propriétaire, vous. Marie, ah, okay, et non okay. pas monsieur. C'est-à-dire que votre fille, en fait, elle va hériter d'une partie du bien dans la succession de son papa. Son papa et un petit bout dans la mienne. Exactement. Ah, ok. Voilà, ah, là, Marie. Je comprends mieux. Donc, il faut que je règle cette situation-là avant mon décès. Parce que ce serait mieux, ça éviterait les problèmes en cas de décès. Une bataille, ça, après. Hein. Mon Dieu. Marie. La personne, il bouge pas, là. Hein. Lui, là-haut, il est sur son terrain, dans les hauts, et ma fille est sur son terrain ici. Mais... personne n'a pas une désordre, n'a pas une bataille, n'a pas rien, là. Mais mais la bataille arrivera peut-être justement après, le jour où vous serez plus là pour faire la police. Voilà. Donc, clarifier tout ça. Oui. Marie, est-ce que ça a été clair ? Oui, ça a été clair pour moi, mais le problème, c'est que tout ça, c'est payant. Alors, vous savez, Marie, ça coûte beaucoup moins cher. Il faut en parler avec vos enfants. Et c'est pour ça qu'il faut aller chez le notaire pour que le notaire vous réexplique ce que je viens de vous expliquer. Il faut expliquer aux enfants que ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher de faire les papiers quand on est vivant que d'attendre le décès pour faire les papiers. Ah, d'accord. Donc ben, ça vaut le coup. J'en parlerai, j'y penserai, parce que là j'y commence. J'ai déjà 67 ans, alors je ne sais pas. Moi, ah, il vous reste encore une bonne trentaine d'années. Ben, j'espère. Mais peut-être pas 30, mais peut-être 10, on ne sait jamais. Ah, ben on ne sait jamais. Peut-être, je ne vous le souhaite pas, mais peut-être moins. Donc, partez du principe peut-être qu'il vous reste 30 aussi, ans. On ne sait jamais, mais moi... Et ça vous laisse le temps de faire vos papiers. Marie, voilà, on va aller très vite. Merci bien, vous êtes trop gentil. Allez. Allez, au revoir. Merci Marie, nous irons retrouver Corinne au téléphone, elle l'appelle, alors j'ai pas le lieu, mais bon, on va la retrouver au standard de la première. Réunion Première, c'est la radio pays. Bonjour la Réunion. L'information locale dès 5h et tout au long de la journée. Des invités à votre écoute. Réunion Première avec vous, sur la route, à la maison ou au travail. Gros trafic, attention. Grand matin dès 5h, la colle Jacques à 8h et vos experts. C'est ce que nous rencontrons comme problème. Le débat de la mi-journée, le bon tempo l'après-midi, le magazine de la rédaction et Claudio dans la case à 19h. Notre tradition, notre culture, notre quotidien. Bienvenue sur Réunion Première, la radio pays. Réunion Première, le son de l'océan Indien. Est-ce que tout le monde est dans la place ? Ça t'y met ensemble ? Réunion Première vous invite pour Enfants Zilois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion ? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion Première. Première. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Nous sommes sur Saint-Paul. Corinne est avec nous. Bonjour Corinne. Oui, bonjour. Bonjour. Maître. Jérôme Sidney. Voilà. Corinne, vous êtes de Saint-Paul. Oui. C'est pour le partage de biens. Voilà. Alors, ma question, c'est que je suis mariée donc, sous le régime de la communauté de biens. J'ai deux enfants donc, de ce mariage. Et mon mari a deux enfants d'un premier lit. Et on a fait la donation au dernier vivant. Oui. Donc le dernier, ben, garde l'usufruit. Oui. Je voulais savoir si jamais j'ai l'intention de vendre la maison. Oui. Déjà, si les deux, si on est vivant, mon mari et moi, et qu'on vend la maison, qu'est-ce qui va se passer pour le partage entre les quatre enfants? Du premier lit et du deuxième lit. Oui. Et si jamais mon mari est décédé et que moi j'ai l'usufruit et que je souhaite vendre, qu'est-ce qui va se passer pour le partage entre les quatre enfants, s'il vous plaît ? Alors, premier cas, Jérôme Sidney. Du vivant, monsieur, madame décide de vendre la maison, eh bien vous faites ce que vous voulez de vos sous. D'accord. Si vous souhaitez partager les sommes d'argent, il faut juste être équitable et partager l'argent à part égale entre les enfants. Vous pouvez en avantager un, enfin monsieur surtout, hein, puisque ce n'est que sur la part de monsieur que les quatre enfants auront un intérêt. Sur vous, d'accord, sur votre part, vous n'aurez, sur la moitié de la valeur enfants de la maison, vous n'aurez que vos deux enfants. Et oui, ce n'est que sur la part de monsieur qu'il y aura les quatre enfants. Oui. Donc, si vous souhaitez vendre le bien de votre vivant, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Après, si vous faites une donation de somme d'argent, il faut faire une donation équitable. Il faut procéder chez le notaire par la signature d'un acte de donation-partage, de manière à ce que chacun des enfants puisse faire ce qu'il veut de sa somme d'argent sans avoir de compte à rendre aux autres à votre décès. D'accord. Si vous faites une donation-partage, les valeurs sont figées, c'est-à-dire on ne reviendra plus dessus. Si vous faites une donation simple à un enfant en 2016, puis à un autre enfant en 2017, puis à un autre enfant en 2018, alors là, il peut y avoir des gros problèmes au moment de la succession. D'accord, ok. Maintenant, si il arrive quelque chose à monsieur, vous avez la jouissance. Donc avoir la jouissance, ça veut dire que vous pouvez rester dans la maison et que les enfants ne peuvent pas vous mettre dehors, les enfants du premier lit. Et ça veut dire que vous pouvez mettre un locataire et toucher les loyers. D'accord. Mais si vous souhaitez vendre le bien, il vous faudra l'autorisation des enfants du premier lit. D'accord, ok. Puisqu'ils seront propriétaires en tant qu'héritiers de leur papa. D'accord, autorisation des enfants du premier lit. Et si jamais, donc s'il y a autorisation de tous les enfants, ça veut dire qu'à la vente, il faudra donc partager la somme avec les quatre aussi. Alors, dans ce cas, on applique ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que les enfants du premier lit n'ont une part que sur la partie de leur papa, d'accord ? Oui, d'accord. Donc en gros, vous êtes propriétaire de votre moitié, plus la jouissance, la valeur de votre jouissance, la valeur de votre usufruit, et les enfants se partageront la part de leur papa. D'accord. D'accord. Premier Est-ce que et c'est deuxième clair lit, c'est la part du papa. C'est ça. D'accord. Et deuxième lit, c'est la part de la maman. D'accord. Ok. Deuxième lit. Vous êtes en train d'écrire en même temps. Ah oui, oui, oui. La maman. D'accord. Et après, il y a une question aussi d'un certain nombre de parts. Non, il n'y a pas un tiers, un quart. Alors, moitié, contrairement à ce que les gens pensent, quand on est en indivision et que l'on souhaite vendre le bien, il n'y a pas question de majorité. Il faut que tout le monde soit d'accord. D'accord. Cette histoire de majorité dans l'indivision, elle ne fonctionne que pour les travaux. C'est-à-dire que pour certains travaux, on peut avoir l'autorisation avec un vote à la majorité. D'accord. Maintenant, vous êtes encore plus protégé qu'en indivision puisque vous aurez l'usufruit du bien. D'accord ? Donc l'usufruit, quand on est en indivision simple, c'est-à-dire que si vous étiez propriétaire d'une quote-part du bien sans parler d'usufruit, c'est-à-dire vous seriez propriétaire de la moitié et puis les autres enfants se partageant en quatre l'autre moitié, eh bien dans ce cas-là, vous seriez en indivision et là, les enfants du premier lit ou du second lit pourraient demander leur part en argent et demander le partage du bien au tribunal. D'accord. Alors que vous, grâce à la jouissance, vous êtes protégé et on ne peut pas demander le partage lorsqu'une personne a la jouissance. Donc, du coup, ça la protège aussi. Ça la protège, bien sûr. Absolument. Et c'est le but de la donation au dernier vivant, de la donation entre époux quand on a des enfants de lit différents. Le fait de signer une donation entre époux permet d'avoir la jouissance sur le bien et de ne pas se faire mettre dehors par les enfants. Surtout si c'est un remariage qui ne se passe pas forcément. Corinne, on va aller très vite parce qu'il y a du monde qui patiente. Alors, vous êtes très rapidement, C'est bon pour moi. C'est bon. Je voulais juste savoir s'il y a encore cette affaire que les enfants peuvent renoncer à leur part. Les enfants du premier lit. Alors, est-ce qu'ils peuvent renoncer à leur part ? Oui, mais bon. Oui, c'est pas évident, mais ça existe toujours. Ça se voit pas, ça se voit pas souvent. Oui, et il faut savoir que quand on renonce à sa part dorénavant, si on a des enfants, et bien le fait de renoncer transmet les droits aux enfants. D'accord. Ok. Corinne. D'accord. Bon, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, ça m'a éclairé parce que c'est des questions que je me posais. Merci beaucoup. Et puis Et n'hésitez pas, Corinne, à prendre contact avec votre notaire. Si vous avez des questions comme ça, vous allez voir votre notaire, il vous recevra sans aucun problème. D'accord, ok. À très bientôt, Corinne. Bon week-end à vous, merci. Marie de Sainte-Clotilde, bonjour Marie. Bonjour Monsieur Montané. Bonjour. Bonjour Monsieur le notaire. Bonjour Marie. Oui, je voulais savoir, j'étais mariée en communauté et pendant le mariage, on a acheté deux biens. Oui. Et au moment du divorce, la liquidation a été prononcée, mais mon ex-époux n'est pas d'accord. Donc, il y a eu une liquidation judiciaire. Oui. Le juge a décidé, comme la maison, c'est moi qui a remboursé le prêt, il m'a attribué. Et le terrain nu lui a été attribué sur notre demande, dans le procès. Mais quand le procès est terminé, monsieur s'oppose maintenant. Il dit qu'il n'est plus d'accord. Il veut réévaluer. Et il ne veut pas signer chez le notaire. Alors moi, je voulais savoir qu'est-ce que je peux faire pour cette affaire, d'une part, et d'autre part, comme on a deux enfants, pendant le mariage, on a eu deux enfants, et comme il ne veut pas signer, moi, la maison qui m'a été attribuée, je voulais donner à mes enfants, Étant donné je vieillis, je suis pas bien. Maître alors, Jérôme Sidney, pour répondre à Marie. Je viens toujours au nom de nous deux, comme je vous répète, mais ça a été attribué chacun, mais lui, il s'oppose toujours. Alors, si le tribunal a rendu un jugement qui prévoit un partage d'une manière, si monsieur n'a pas fait appel dans les temps, et il ne peut pas s'opposer au partage prononcé par le tribunal. Il ne peut plus revenir dessus. Donc mais après, il faudrait prendre un avocat pour entamer une procédure pour obliger monsieur à signer. Ah, il faut prendre un avocat. Parce que quand moi, je fais tous les démarches à chaque fois, là, il a dit au notaire que lui, il n'est pas d'accord parce que ça fait 23 ans maintenant. Donc, ça a traîné. Et comme la maison était vieille, les enfants ont fait faire des travaux, tout ça. Et il dit maintenant, c'est maintenant qu'il est d'accord depuis 23 ans. Si ça a été jugé, Encore une fois, si ça a été jugé, s'il y a un jugement qui a été prononcé, que le jugement a bien été notifié comme il fallait, si toute la procédure a été faite, eh bien, il ne peut pas revenir sur une décision du tribunal. Donc il faut que je prenne un avocat, alors. Ah ben, il faut aller voir le notaire pour que le notaire vous explique la procédure à suivre, mais là, à vue de nez comme ça, du studio, je pense que vous allez être obligé de passer par un avocat. Ouais, ça sera quasi obligé apparemment, là, Marie. Et supposons, je vois pas un avocat, est-ce que je pourrais pas demander à un notaire de mettre soit ma part ou quelque chose comme ça au nom de mes enfants? Mais là, vous êtes divorcé, vous pouvez toujours donner votre part, mais votre part, elle est dans la maison et dans le terrain, puisque le partage n'a pas été effectué. Oui, oui. Mais je dis, ben moi, s'il faut signer pour le terrain, lui donner, je signe, moi. Mais je veux la maison donner à mes enfants. Voyez avec le notaire, madame, qui sera à même de vous aiguiller et qui vous orientera sûrement vers un avocat. Il m'a dit que monsieur il m'envoyait un courrier, mais monsieur demande la réévaluation des biens, et lui il me dit, le notaire, de re-signer un procès-verbal, chose qui a été faite depuis, je ne sais pas, 10 ou 11 ans. C'est ça, bah c'est un procès-verbal de difficulté, c'est bien ce que je vous expliquais. Procès-verbal de difficulté veut dire que le notaire vous oriente vers une procédure judiciaire, puisque ce procès-verbal de difficulté va vous permettre d'aller chez l'avocat et d'entamer la procédure. Mais on a déjà fait ça, maître, le jugement qu'on a maintenant. Là. Oui, mais aujourd'hui, le jugement initial a prononcé le partage des biens. Et aujourd'hui, le procès-verbal de difficulté va avoir pour but de dire que votre mari ne veut pas venir signer. Donc il faut que le tribunal l'oblige à signer ou rende une décision qui permette de signer l'acte notarié sans la signature de votre mari. D'où, Marie, l'importance de se rendre chez un avocat. Vous lui posez la question et puis vous verrez la suite des événements. C'est surtout ça. Donc vous voyez que c'est un avocat qu'il faut que je voie, Voyez le notaire et ensuite l'avocat. Parlez-en au notaire, donc, de l'avocat. Je l'ai dit déjà, voilà sa réponse, il me dit qu'il faut signer un notaire. Marie, c'est important parce que là, si vous souhaitez vraiment faire valoir vos droits, vous êtes obligé d'aller voir le notaire. Il faut aller voir le notaire, signer le procès-verbal de difficulté. Et ensuite, aller voir l'avocat avec ce document-là pour que l'avocat puisse entamer la procédure qui sera nécessaire. Et puis ça va vous débarrasser, Marie, d'un poids aussi, parce que sinon votre morale va prendre un coup. Alors, voilà. Oui, si je signe pas le deuxième PV, comme je vous dis, si je ne vais pas signer parce qu'il faut payer, etc., j'ai pas les moyens aussi. Eh bien, si vous n'allez pas signer le PV, l'avocat ne pourra pas entamer de procédure en votre nom. J'ai l'impression, Marie, vous avez des travaux près de chez vous, donc c'est on entend des bruits. Marie, oui. Débarrassez-vous de ce problème, s'il vous plaît, allez voir le notaire et surtout l'avocat. Oui, merci. D'accord. Pour les conseils. Mais de allez, rien, merci à vous, à très bientôt. Oui, c'est parfois les gens ont un petit peu de mal, dès qu'on parle d'avocat. Bien sûr, dans la situation... Forcément, on pense que ça va coûter un coup. Voilà, ça va nous revenir très cher. Et dans la situation de Marie, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un divorce, on a plusieurs étapes. Comme on parlait en début d'émission sur la durée d'un dossier, eh bien là, on est sur un dossier qui apparemment dure depuis plus de 10 ans, parce que les parties ne s'entendent pas. Mais il faut savoir que si Marie ne se rend pas chez le notaire pour signer ce document qui est un PV de difficulté, donc qui va attester pour le tribunal qu'il n'y a pas d'entente entre les parties, eh bien, sans ce document-là, Marie ne pourra pas entamer une procédure pour clôturer son dossier. Et dans 10 ans, elle rappellera réunion première pour avoir des explications et ce sera les mêmes. Et dans 10 ans, vous répondrez à Marie. Ouais. Sait-on jamais. Christophe est avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour, allez-y, c'est à vous. Bonjour, c'est pour un petit renseignement. Bonjour. Mon beau-frère et ma femme ont hérité un terrain. Oui. Sur une parcelle. Oui. Et sur ce terrain, il y a plus de 50 ans, il y avait un chemin de propriété. Oui. Vous saviez comment c'était avant, il y avait des propriétés. Ouais. Et ils faisaient un chemin dessus. Oui, chemin de charrette. Bon, un chemin de charrette. Et ce chemin de charrette est reconnu. Oui. Eh bien, deux propriétaires, un hein, a bouché dans le milieu, droite d'habitude, et l'autre en sortie. Et sur l'autre terrain, quelqu'un est arrivé en dernier, il y a encore trois propriétés derrière. Et puis aussi, là, il a bien encavé la route et il a bouché le chemin. Et puis il a dit, bon, ben, on peut aller vers le tribunal, de toute façon, il n'a rien à foutre, et il va s'en sortir. Et ouais, ce ben. Chemin, il y a plus de 50 ans, plus de 60 ans même, il existe. Et bien, ben, nous, on est encavé parce que c'est des chemins où on n'a pas d'accès. Et alors, vous faites comment, là? C'est des chemins de chemin en terre, il faut descendre. Ouais. On ne peut pas remonter dessus en voiture. Très bien. Tribunal. Tribunal. Tribunal. Tribunal. Avocat et tribunal. Parce que le beau-frère a été voir un avocat. Un avocat. Oui. L'aide juridique. Ah, l'aide juridictionnelle pour avoir un avocat. Ben oui, mais il a dit, bon, il a parlé, quoi on appelait ça, là. C'est-à-dire pour pouvoir régler à l'amiable, alors. Ah, un médiateur. Un médiateur. Mm-hmm. Bon, ben, le médiateur a dit, puisque sur les chemins, il n'y a pas d'arc. Il n'y a pas de réserve sur les arcs. S'il n'y a pas d'arc, alors peut-être que dans un acte notarié, vous pouvez trouver dans les limites qui définissent votre parcelle, la mention justement chemin de charrette ou quelque chose comme ça. Après, il faut voir. Mais de toutes les manières, si vous allez au tribunal, vous aurez le droit d'accéder à votre terrain. Ça s'appelle une procédure de désenclavement. Oui, parce qu'avant, ses vieux parents, ils ont toujours travaillé comme ça, ils faisaient des enclavements. Toutes les propriétés dans ces hauteurs-là étaient enclavées comme ça, mais ils s'arrangeaient pour... Oui, ils s'arrangeaient pour laisser le chemin. Ben oui, et là, un c'est un cousin à mon beau-frère, et l'autre c'est un quelqu'un qui a acheté en dernier le terrain, oui. Et un autre encore, c'est un autre parcelle, mais il a fait la même chose. Mais là, mon beau-frère est enclavé pour aller sur son terrain, et nous, pareil, sur l'autre terrain, on ne peut plus descendre. Ouais. Voilà. Procédure, vous n'avez pas le choix procédure, que tribunal. D'entamer une procédure. Tribunal. Ah. Voilà, Christophe. Bon, ben, merci. Merci à vous, merci d'avoir appelé. Et puis, nous allons terminer avec Maxime de la Possession. Bonjour, Maxime. Oui, bonjour, maître. Bonjour. C'est pour avoir un renseignement. On a signé une succession chez un notaire. Oui. Et enfin, les papiers sont déjà faits, mais le problème, c'est pour savoir, entre les quatre personnes, on est à quatre, il y a deux qui, apparemment, l'acte est un petit peu plissé par rapport, il faut qu'ils payent la succession de leur père qui est décédé. Et le problème, il y a deux personnes qui pourraient payer l'acte directement maintenant. Oui. Mais est-ce que c'est, on peut avoir notre acte signé et sans les autres, sans à, ah, mais non. Hein. Si les frais de succession doivent être payés un quart chacun, ouais. Il faudra payer les frais de succession de ceux qui ne peuvent pas payer, mais vous ne pourrez pas tirer juste votre trac. Donc, il faut attendre absolument toute la somme rentrée. Il faut attendre toute la somme rentrée pour pouvoir signer, oui. Bah, même si c'est embêtant. La question s'arrête là. Eh bien voilà, monsieur. Ben, merci. Allez. Merci, Maxima. Allez, merci à vous. Alors, la question de Rose du Sud. Mon père a fait deux mariages. Il a un grand terrain dont il a construit, sur lequel il a construit une maison pour mon demi-frère. Sur l'autre moitié, une pour lui et pour sa deuxième femme. Il est décédé. Maintenant, on est deux autres sœurs. Il est décédé, voilà. On est deux autres sœurs du premier mariage. On n'a rien eu dans tout ça. Et il a fait un passé vendu. S'il n'a pas s'est vendu à mon demi-frère, a-t-on le droit à quelque chose? Merci de me répondre. Alors, dans cette situation, ce que l'on appelle un acte passé vendu, c'est quoi, en oui. fait, c'est un vestige de l'ancien temps. Un vestige de l'ancien temps. Oui, c'est quelque chose qui se faisait dans le temps et qui consiste à faire une vente sans payer le prix. Ça s'appelle une donation déguisée. D'accord. Ah, ok, d'accord. Eh bien, ces personnes-là ont la possibilité de faire une procédure auprès d'un tribunal justement pour constater que cette vente est une donation déguisée parce que l'enfant n'a pas payé le prix, par exemple. Et puis, il faut savoir si au moment du décès du papa, il restait des biens, oui. Eh bien, oui, elles ont un droit, puisqu'on ne peut pas déshériter ses enfants. Donc il faut qu'elles aillent au bureau des hypothèques récupérer une copie des actes notariés. Oui. D'accord, en faisant des demandes, hein, les gens seront les renseigner pour qu'elles obtiennent la copie des actes qu'elles souhaitent. Et puis, une fois munies de ces actes, il faut qu'elles prennent rendez-vous avec un notaire pour regarder quels sont leurs droits. Et puis, ben, dans cette situation-là, souvent, ça se termine auprès du tribunal. Donc il faudra aussi sûrement passer par le stade avocat. Alors, dernière question avant de se quitter. Je vais peut-être acheter un bien immobilier en viager après accord avec le propriétaire. Je m'engage à lui verser une somme de 3000 euros servant d'acompte. Je voulais savoir si les frais étaient notariales, enfin les frais état et notarial seront éventuellement échelonnables, donc mensuellement. Alors, malheureusement, le notaire ne peut pas avoir d'activité bancaire, c'est-à-dire que le notaire ne peut pas faire de crédit au client. Quand on dit que les frais sont échelonnables, ça supposerait qu'on signe l'acte notarié, par exemple, le 1er janvier, et puis que le client paye les frais sur 4-5 mois, c'est-à-dire sur janvier, février, mars, avril, mai. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un acte notarié doit impérativement être déposé pour la publication et pour le paiement des taxes dans le mois qui suit sa signature. À ce titre-là, si le notaire accordait à ses clients un paiement après la signature, eh bien, ça veut dire qu'il avancerait les fonds pour payer les taxes de l'État, et ça, c'est strictement interdit. Il faut savoir que l'État détermine les modalités de paiement des frais d'acte, l'État détermine le montant des frais d'acte en fonction du prix, et que les notaires sont inspectés tous les ans sur le respect de ces lois et de ces normes, et que le rapport est transmis au procureur de la République une fois l'inspection effectuée. Donc, c'est quelque chose de très sérieux, et le notaire ne peut pas accorder de délai de paiement une fois l'acte signé. N'hésitez pas à vous rendre chez votre notaire, pousser sa porte est gratuite pour une consultation. Bien donc sûr. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, c'est vrai que parfois, il y a des cas très compliqués quand même. Bien sûr. Maître Jérôme Sidney, notaire, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Claude. Vous reviendrez sur la première. Merci. Bien sûr, au revoir. Il y a des souffrances qui pèsent des tonnes, et pour ne pas que tout espoir nous abandonne, on joue le rôle de celui pour qui tout va bien. Notre entourage ignore par où l'on passe, on rit, on danse, on fait les fous comme à Venise. Mais quoi qu'on fasse, mais quoi qu'on dise, les blessures qui ne se voient pas nous font du mal bien plus que toutes les autres. On les enferme au fond de soi. Mais est-ce que toute une vie on les supporte? par un détour, la rencontre mon ami Marcel. A dire moi mon premier amour, à tout mon aliment nouvelle. Moi l'a dit, ça c'est d'histoire ancienne. Faut plus retourner derrière, les souvenirs y ramènent les belles. Un côté l'ombre, l'autre la lumière. Elle ici, moi la reste tout seul. Moi elle est toujours la case, mon nom. Moi dans l'amour maternel, pour moi elle est suffisant. Moi elle a fait un choix de vie, donc pour une fille, m'y souffre à vie. Zodi pour moi la vie est belle, avec mon maternel. Elle ici, moi la reste tout seul. Moi elle est toujours la case, mon nom. Moi dans l'amour maternel, pour moi elle est suffisant. Moi elle a fait un choix de vie, donc pour une fille, m'y souffre à vie. Zodi pour moi la vie est belle, avec mon maternel. Ce qu'elle est devenue, non, n'y veut pas savoir. C'est le cadet de mes soucis. Matin dans l'arrosoir. Si tu vois mon ami cool, si tu fais l'aller et j'y au collet. Allez Marcel, sois cool. Dis le temps, la cicatrice m'est belle. Viens ici, moi la reste tout seul. Moi elle est toujours la case, maman. Moi dans l'amour maternel, moi elle est suffisant. Moi elle a fait un choix de vie, donc pour une fille, m'y souffre à vie. Ça dit pour moi la vie est belle, avec mon maternel. J'allais si moi la reste tout seul. Moi elle est toujours la case, maman. Mais dans l'amour maternel, pour moi elle est suffisant. Moi elle a fait un choix de vie, donc pour une fille, m'y souffre à vie. Ça dit pour moi la vie est belle, avec mon maternel. J'allais si moi la reste tout seul. Moi elle est toujours la case, maman. Mais dans l'amour maternel, moi elle est suffisant. Moi elle a fait un choix de vie, donc pour une fille, m'y souffre à vie. Ça dit pour moi la vie est belle, avec mon maternel. J'allais si moi la reste tout seul. Moi elle est toujours la case, maman. Moi dans l'amour maternel, l'amour maternel, signé Ma Perrine sur la première. Un communiqué, une information routière de la direction régionale des routes. Alors, ça concerne la route nationale 3, la plaine des Palmistes. Et depuis 11h30, donc, la CRGT qui vous informe que sur la route nationale 3, au secteur Bras des Calumets sur la commune de la plaine des Palmistes, et pour permettre le bon déroulement de la manifestation religieuse fête de la croix glorieuse, la circulation se fait en sens unique dans le sens montant entre l'allée Paul Rayac donc, et l'intersection de la route départementale 55, route de la Petite Plaine. Voilà, c'est dans le sens descendant, une déviation qui est mise en place à partir de la route départementale 55, route de la Petite Plaine. C'est depuis 11h30 sur la première. Voici Paolo Nutini. Puis nous irons tout à l'heure à 12h10 retrouver des communiqués sur la première. Slow down. Lie down, remember it's just you and me. Don't sell out, bow out, remember how this used to be. I just want you closer, is that alright? Baby, let's get closer to my last request and just let me hold you. Don't shrug your shoulders. Lay down beside me. Sure, I can accept that we're going nowhere, but one last time, let's go there. Lay down beside me. And I realize all about your lies, but I'm no wiser than the fool that I was before. I just want you closer. Is that alright?

décès de Monsieur Paramachara Roger, décès survenu à l'âge de 76 ans. Le convoi sortira du 102 chemin Cannes à Boisneuf-le-Coco à Saint-Louis. Aujourd'hui à 14h, la bénédiction se fera en l'église de Saint-Louis à 15h30, l'inhumation au cimetière de Saint-Louis. Décès de Monsieur Bertil Francis Marcel, décès survenu à l'âge de 83 ans. La veillée a lieu à son domicile, au 1 rue des Lataniers à l'Étang Salé. Léo, le convoi sortira du domicile aujourd'hui à 15h, suivi de la bénédiction en l'église Sainte-Dominique à l'Étang Salé à 15h30, suivi ensuite de l'inhumation au cimetière de l'Étang Salé. Décès de Monsieur Borchet Jean-Noël, domicilié en métropole, décès survenu à l'âge de 46 ans. La veillée se tiendra chez ses parents au 23 chemin Borchet au Guillaume-Saint-Paul. À partir de demain, samedi 10 septembre, dès 16h, la bénédiction se fera le dimanche 11 à 14h en l'église du Guillaume-Saint-Paul, suivie de l'inhumation au cimetière de Guillaume-Saint-Paul. Décès de Leperlier Gérard Joseph. Leperlier Gérard Joseph, décès survenu à l'âge de 61 ans. Le convoi sortira de son domicile au 8 impasse Victor Bertil à l'Étang Salé. Prévu pour aujourd'hui à 15h, la bénédiction se fera en l'église de l'Étang Salé à 15h30, suivi de l'inhumation au cimetière de l'Étang Salé. Décès de Monsieur Fontaine Paul-Émile, dit Milo. Monsieur Fontaine Paul-Émile, dit Milo, décès survenu à l'âge de 84 ans. Le convoi sortira de la chapelle ardente de l'Entre-deux, aujourd'hui à 15h15. La bénédiction aura lieu en l'église de l'Entre-deux à 15h30. La crémation, centre funéraire sud. Décès de Monsieur Annette Gabriel Marius, dit Gabi. Monsieur Annette Gabriel Marius, dit Gabi, décès survenu à l'âge de 86 ans, le convoi sortira de son domicile au 77 cité Jacques Duclos Brafusi à Saint-Benoît. Aujourd'hui à 15h, la bénédiction se fera en l'église de Saint-Benoît à 15h30, suivi de l'inhumation au cimetière de Saint-André. Décès de Julienne Chenhock-Thérèse Néclin. Chenhock-Thérèse Julienne Néclin, décès survenu à l'âge de 88 ans, le convoi sortira aujourd'hui à 15h30, du centre funéraire sud à la ligne Paradis. La bénédiction se fera à 16h30 dans l'église du Bon Pasteur à la Ravine Blanche, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Pierre. Le décès de Madame Payus Marie-Sylviane. Madame Payus Marie-Sylviane, décès survenu à l'âge de 52 ans. Le convoi sortira aujourd'hui à 17h du centre funéraire sud. La bénédiction à 16h au centre funéraire. L'inhumation se fera au cimetière du Tampon. Le décès de Monsieur Léon Cao Maurice. Léon Cao Maurice, commerçant à Saint-Benoît. Décès survenu à l'âge de 75 ans à Saint-Benoît. La veillée se fait au centre funéraire de Bois-Rouge. Aujourd'hui, à partir de 16h, le convoi sortira du centre funéraire Bois-Rouge demain à 13h, suivi de la crémation à Prima à 11h. Et le décès de Jean Klein, Luc dit Bouchon, décès survenu à l'âge de 68 ans. Le convoi sortira demain à 8h30 au 38 chemin à la Reine Boiscourt à la Plaine des Cafres. La bénédiction aura lieu à 9h en l'église du 23e kilomètre à la Plaine des Cafres. L'inhumation suivra au cimetière de la Plaine des Cafres. Le décès de Madame Aubert Rose Lise, plus connue. Donc, Madame Aubert Roseline, décès survenu à l'âge de 69 ans. Le convoi sortira de son domicile au 20 rue de Nice au port. C'est pour demain à 9h. La bénédiction se fera en l'église de Saint-Yves de la SIDR à 9h30, suivie de l'inhumation au cimetière de Marin du Port. Et le décès de Monsieur Beg Eucher, dit Odilon. Monsieur Beg Eucher, dit Odilon, décès survenu à l'âge de 87 ans. Le convoi sortira du 44. Route des Ananas au Moufia, Sainte-Clotilde, à date et l'heure des obsèques vous seront précisées ultérieurement. Réunion première présente aux familles endeuillées, ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Le maire de la plaine des Palmistes qui informe ses abonnés du secteur du 1er, du 2e, du 3e village ainsi que le secteur de la petite plaine qu'en raison des dernières pluies, de la dégradation de la qualité de l'eau, il est conseillé de faire bouillir l'eau pendant au moins 3 minutes avant toute consommation et cette disposition reste valable jusqu'au retour à la normale qui sera transmis par la même donc par des communiqués. Et puis l'association ADN 974, la mutualité de la Réunion et son partenaire la SHLMR qui vous informe qu'un dépistage du diabète aura lieu demain. C'est au groupe d'habitation Les Étoiles, situé place Jean Tardieu au port, à l'occasion des bazars en pied d'immeuble. C'est de 8h30 à 11h30. Et puis demain, samedi 10 septembre, des collectes de sang de l'EFS à l'espace Redley. C'est l'ancien collège Redley dans le bas de la rivière Saint-Denis. Donc c'est de 9h à 13h30. Et puis à l'EFS de Saint-Pierre, c'est de 8h à 15h. Plutôt pour les bonnes manières que les vilaines manières. Et puis on se dit bon appétit surtout et bon week-end à tous. Il est midi sur la première. Le journal présenté aujourd'hui par Bruce Réjean. Bonjour Bruce. Bonjour Claude, bonjour à tous. Un type est accusé de viol en appel devant la cour d'assises. Le parquet n'était pas d'accord avec la peine prononcée en novembre. Le trentenaire n'avait été condamné que pour des agressions sexuelles. Les femmes enceintes ne doivent boire que de l'eau et du jus de fruits, un soda à la rigueur. Seule façon certaine d'éviter à leur futur bébé le syndrome d'alcoolisation fœtale. Ce 9 septembre est une journée mondiale contre ce fléau. Ils font de l'agriculture dans des secteurs où ce n'est pas évident. Pour ça, ils reçoivent des aides de l'Europe. Mais que se passe-t-il? Que risque-t-il quand le versement traîne trop? Et en fin d'édition, coup de projecteur sur la 4e journée du championnat de handball qui se joue ce soir. Et puis rencontre avec un militaire champion du monde de sauvetage en mer. Le 26 novembre dernier, la cour d'assises rendait son verdict dans une des trop nombreuses affaires de viol présumé d'une jeune femme par son type-père. L'accusé, un jeune trentenaire, n'était condamné que pour des agressions sexuelles sur la fille de sa compagne. 3 ans de réclusion, c'était la peine prononcée à ce moment-là. Insuffisant pour le parquet qui avait requis 15 ans et qui a donc fait appel. Le nouveau procès en huis clos partiel a donc débuté ce matin par une longue audition de la victime et Nadine Bachelot. Elle a parlé de relations sexuelles consenties, mais parce qu'elle était sous contrainte psychologique. Mais tout d'abord, l'homme de 34 ans maintient sa version. Il n'y a pas eu de viol, mais il reconnaît avoir eu des relations sexuelles avec la victime qui était d'accord, dit-il. Et surtout, il avoue ses relations pratiquées après ses 15 ans, alors que la jeune femme de 22 ans aujourd'hui explique que les faits ont débuté